And now continue with this next dialogue. Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Non, ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. Vous êtes en France. You are here for a few hours. And déjà, vous connaissez beaucoup de mots. Already, you know many words. S'il vous plaît, monsieur, du beurre, du pain, délicieux, merci, du thé, de la confiture de prune. Yeah, but it's only breakfast. And anyway, what about when you're not around? Qu'est-ce que c'est, around? If you're not with me. Ah, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin? We don't need to be at the fair till 11 o'clock. Quelle heure est-il? Il est 9 heures exactement. Oh oui, c'est possible.